Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Livre second. On y traite de la purification la plus intime, qui est la seconde nuit ou celle de l'esprit. Chapitre 1er. De la nuit spirituelle et du moment précis où elle doit commencer. La Divine Majesté n'établit pas immédiatement dans l'union d'amour, l'âme qui est sortie du creuset des sécheresses et des épreuves, de la première purification, ou nuit d'essence, mais, après lui avoir fait quitter la voie des commençants, elle a coutume de l'exercer longtemps, et même bien des années, dans celle du progrès, semblable à un homme sorti d'une étroite prison. L'âme s'avance alors dans le sentier de la perfection avec un cœur plus dilaté et plus joyeux, et elle est comblée de délices intérieures, plus abondantes que celles dont elle jouissait avant d'entrer dans cette nuit. L'imagination et les puissances ne sont plus préoccupées de former des raisonnements, et l'esprit se repose aussitôt avec une grande facilité dans une douce et amoureuse contemplation. Cependant, la purification de l'âme n'est pas achevée, celle de l'esprit, qui est la principale, manque encore, et sans elle la purification sensible, si violente qu'elle ait été, ne sera jamais complète, à cause de la liaison étroite qui existe dans le même sujet entre la partie supérieure et l'inférieure. Cet état n'exclut point les ténèbres, les sécheresses et les angoisses. Parfois même elles y sont beaucoup plus intenses qu'au milieu des épreuves antérieures. Elles sont comme les présages, les messagers de la nuit de l'esprit qui doit suivre. Toutefois leur durée n'est pas aussi longue. Après quelques jours, après un certain temps d'orage et de tempête, le ciel de l'âme recouvre sa sérénité habituelle. Dieu purifie ainsi peu à peu ceux qui ne doivent pas s'élever à un très haut degré d'amour. Il interrompt leur nuit de contemplation, et les fait passer souvent de l'obscurité la plus profonde aux clartés splendides du jour. Ainsi s'accomplit la parole de David, il envoie sa glace comme par boucher, psaume 147, 17. Mais ces parcelles de contemplation ne font jamais ressentir à l'âme les horreurs de la nuit de l'esprit, dont nous devons traiter, et où Dieu l'introduit à dessein pour la conduire à l'union divine. Le goût intérieur communiqué à l'esprit en la voie de progrès, rejaillit sur les sens avec beaucoup plus d'abondance que dans la première purification, car la pureté dont elle les a pénétrés, rend ces derniers plus aptes à ressentir à leur manière les délices de l'esprit. Néanmoins la faiblesse et l'impuissance de la partie sensitive, appelée à partager les fortes impressions de l'esprit, produit souvent un affaiblissement général et une fatigue d'esprit, dont le sage nous explique le mystère lorsqu'il dit « Le corps qui se corrompt appesantit l'âme », Sagesse 9, 15. Il en résulte que les communications faites à ces âmes ne sauraient être aussi fortes, aussi intenses, ni aussi spirituelles, que l'exigerait l'union divine. Elles tiennent encore de la faiblesse et de la corruption de la sensualité, ces ravissements et ces transports qui vont parfois jusqu'à disloquer les membres, sont le résultat ordinaire des communications qui ne sont pas purement spirituelles. Mais ces phénomènes ne se produisent point chez les âmes parfaites, déjà purifiées par la seconde nuit, c'est-à-dire par celle de l'esprit. Chez elles les extases et les agitations du corps n'ont plus lieu, elles jouissent de la liberté d'esprit, sans aucun détriment pour les sens. Nous signalerons maintenant certaines imperfections, et certains dangers inhérents à l'état de progrès, afin de faire mieux comprendre combien il est nécessaire à ces âmes de pénétrer dans la nuit de l'esprit. Chapitre 2. Imperfections auxquelles sont sujettes les âmes qui avancent. Dans l'état de progrès, les âmes se laissent aller à deux genres d'imperfections, les unes habituelles et les autres actuelles. Les premières sont les affections et les habitudes imparfaites, dont la purification des sens n'a pu encore extirper les profondes racines. Il n'y a pas grand effort à faire pour couper une branche, mais c'est autre chose quand il s'agit d'arracher un arbre jusqu'à la racine. Une tâche nouvelle s'enlève plus facilement qu'une ancienne. Il en est de même pour ces deux purifications. Celle des sens est, comme nous l'avons dit, l'entrée et le principe de la contemplation. Elle sert plutôt à préparer et à soumettre les sens à l'esprit, qu'à unir l'esprit à Dieu. Cependant, la marque du vieil homme se conserve encore dans l'esprit, son aveuglement l'empêche, il est vrai, de l'apercevoir. Mêlé jusqu'à ce que cette marque ait été effacée par les épreuves fortes et multipliées de la seconde nuit, l'esprit ne pourra pas acquérir la pureté de l'union divine. Les âmes qui n'ont pas dépassé l'état de progrès ne sont pas toutes exemptes de cette grossièreté naturelle appelée pesanteur d'esprit, qui est la funeste suite du péché. Elles sont encore sujettes aux divagations de l'esprit, aux épanchements extérieurs, et souillées des imperfections habituelles, dont l'état parfait de l'union d'amour avec Dieu les délivre complètement. Les souffrances et les angoisses de cette seconde nuit sont donc indispensables pour corriger tous ces défauts, purifier l'âme, et la disposer à recevoir les dons du Seigneur. Quant aux imperfections actuelles, tout ne s'y laisse pas aller également. Plusieurs, ne saisissant les choses spirituelles que d'une manière trop superficielle et tout appropriée au sens, n'échappe pas à certains inconvénients et à certains dangers signalés au commencement de ce traité, à une multitude de conceptions, de communications qui viennent au sens et à l'esprit, se mêlent encore des visions imaginaires et spirituelles, jointes à beaucoup d'autres sentiments savoureux, qui sont ordinairement l'apanage des spirituels parvenus à cet état. Le démon et leur propre imagination s'unissent pour les tromper par de fausses apparences, en leur suggérant des idées et des sentiments pleins de charme. Satan les séduit et les trompe alors avec d'autant plus de facilité qu'ils n'emploient pas les précautions nécessaires pour se défendre généreusement contre toutes ces visions et ces sensibleries, et ne savent pas se résigner à en souffrir la privation. Le démon inspire encore à ces personnes d'ajouter foi à une foule de visions vaines et frivoles, et à de fausses prophéties. Il les excite à se croire favorisés des entretiens de Dieu et de ses saints. En cela, elles ne suivent, la plupart du temps, que les fantaisies de leur imagination. Remplies de présomption et d'orgueil, elles cherchent dans leurs actions extérieures à paraître, à se laisser surprendre en extase et à donner d'autres signes apparents de sainteté, pour satisfaire leur vanité et leur arrogance. Alors, pleines d'audace envers Dieu, elles perdent la sainte crainte, qui est la sauvegarde de toutes les vertus, et elles finissent par rendre fort douteux leur retour au pur sentier de la vertu et du véritable esprit. Tant les faussetés et les illusions s'accumulent en elles et prennent racine dans leur cœur, toutes ces misères viennent de ce qu'au début dans les voies de l'esprit, elles se sont adonnées avec trop d'assurance à ces sortes de communications spirituelles. Il y aurait trop à dire sur ces diverses imperfections, d'autant plus incurables qu'elles sont plus spirituelles. Je laisse donc ce sujet de côté. Et afin de prouver la nécessité de la nuit de l'esprit, pour quiconque prétend atteindre le sommet de la montagne, je me borne à dire que toute âme avancée dans la voie, si généreuse qu'elle ait été d'ailleurs à réprimer ses passions, a encore beaucoup d'affections naturelles et d'habitudes imparfaites à déplorer. En outre, il a été clairement démontré plus haut que la partie inférieure, en participant aux communications spirituelles, les rend moins intenses. moins pure et moins forte que ne l'exige l'union divine, par conséquent, il est d'une nécessité absolue de pénétrer dans la seconde nuit, où les sens et l'esprit sont entièrement dépouillés de toutes ces choses imaginaires et des goûts sensibles, l'âme s'achemine ainsi par la foi obscure et simple, qui est le moyen propre et indispensable, à la consommation de l'union avec Dieu. Selon la parole d'Osée, « Je vous épouserai en la foi », citation 2, 20, c'est-à-dire, « Je vous unirai à moi par la foi ». Chapitre 3. Remarque sur ce qui va suivre. Après avoir traversé ce temps de purification, les âmes ont acquis déjà la douce expérience des communications du Seigneur, la partie sensitive, ainsi attirée, par les délices des joies spirituelles qui ont rejailli sur elle, s'unit à l'esprit et ne fait qu'un avec lui. Les sens et l'esprit puisent à la même source, et se nourrissent d'un même aliment, chacun à sa manière, ne formant pour ainsi dire plus qu'un par la conformité des goûts. Ils sont bien préparés à subir la rude et sévère purification qui les attend. Là, les deux parties de l'âme, la spirituelle et la sensitive, doivent se purifier complètement, d'autant que l'une de ces purifications ne va jamais bien sans l'autre, et que celle des sens n'est point entière si celle de l'esprit n'est au moins commencée. C'est pourquoi la nuit que nous avons appelée nuit des sens, n'est pas une purification proprement dite, mais plutôt un frein imposé aux appétits déréglés, et une sorte de réforme des passions. La raison n'est que toutes les imperfections et les désordres de la partie sensitive ont leurs racines dans l'esprit, et y puisent leur force. Il faut donc, pour arriver à une purification complète, atteindre jusqu'à l'esprit, et y détruire la racine de ses mauvaises habitudes et de ses rébellions. Dans la nuit dont nous allons nous occuper, les deux parties se purifient conjointement, mais, pour obtenir ce résultat, il est nécessaire que les sens aient passé d'abord par les réformes de la première nuit, et se soient établis dans le calme au moyen de ces labeurs, la partie inférieure étant ainsi unie à la partie supérieure, toutes deux sont plus fortes pour supporter une si rude et si amère purification, préparation indispensable. Car si la partie sensitive n'avait pas d'abord corrigé sa faiblesse, si elle ne s'était pas fortifiée dans ses rapports doux et pleins de charme avec le Seigneur, la nature n'aurait jamais été assez bien disposée, ni assez courageuse pour subir cette épreuve. Cependant, ces spirituels, en voie de progrès, ont encore une manière d'agir et d'être avec Dieu qui est loin d'être parfaite et élevée. L'or de l'esprit n'est pas encore chez eux assez pur ni assez resplendissant. Ils comprennent les choses de Dieu et en parlent comme des enfants. Leur façon de penser et de sentir à l'égard de Dieu est, selon la parole de saint Paul, 1 Corinthiens 13, 11, celle d'un enfant, et cela parce qu'ils n'ont pas atteint la perfection, c'est-à-dire l'union d'amour avec Dieu. Cette union une fois consommée, ils agissent comme des hommes faits, et leurs œuvres spirituelles sont marquées au sceau de la vraie grandeur, leurs facultés et leurs opérations deviennent alors plus divines qu'humaines. Comme je le dirai plus tard, l'intention du souverain maître est de les dépouiller entièrement du vieil homme, pour les revêtir du nouveau, qui est créé selon Dieu par le renouvellement des sens dont parle l'apôtre, en s'adressant aux Éphésiens, Éphésiens 4, 24, et aux Romains, citation 12, 2. Dans ce but, Dieu purifie au-dedans comme au-dehors, dans l'ordre des choses spirituelles comme des choses sensibles, les puissances, les affections et les sens, il plonge l'entendement dans les ténèbres, la volonté dans les sécheresses, la mémoire dans le vide, le cœur dans l'amertume, l'abattement et la plus extrême affliction, Il soustrait à l'âme le goût et le sentiment qu'elle éprouvait autrefois dans les choses spirituelles. Et cette privation est une des conditions essentiellement requises pour qu'elle puisse recevoir la forme spirituelle de vie, qui n'est autre que l'union d'amour. Le Seigneur opère ce laborieux travail au moyen d'une pure et obscure contemplation. Comme le fait comprendre la première strophe, celle-ci a déjà été expliquée au commencement de la nuit des sens, mais l'âme en fait ici une particulière application à la seconde nuit, ou à celle de l'esprit, qui est la partie principale de cette œuvre de purification. C'est pourquoi nous citerons encore cette strophe, en lui donnant le nouveau sens dont elle est susceptible. Chapitre 4. Explication de la première strophe. Pendant une nuit obscure, embrasée d'un amour plein d'anxiété, oh, l'heureuse fortune, je sortis sans être aperçu, alors que ma demeure était pacifiée. Si nous cherchons maintenant à comprendre ce chant de la purification, de la contemplation, du dénuement, ou de la pauvreté d'esprit, car tout cela est ici presque synonyme, nous pouvons l'expliquer de cette manière. L'âme semble dire « Je suis sorti de moi-même dans la pauvreté, et dans le dépouillement, de toute pensée humaine, c'est-à-dire, au milieu des ténèbres de mon entendement, des angoisses de ma volonté, du travail, et des efforts de ma mémoire, je me suis abandonné à l'obscurité de la pure foi, qui est une nuit ténébreuse pour les puissances naturelles, émues de douleur, d'affliction, pressées du désir véhément de l'amour divin, je suis sorti de moi, même par la seule force de ma volonté, c'est-à-dire que j'ai renoncé à mes conceptions basses et imparfaites, à ma faible, pauvre et si misérable manière de goûter Dieu et de l'aimer, je suis sorti, dis-je, sans être entravé par la sensualité ni par le démon. Or cette sortie de moi-même n'a-t-elle pas été pour moi un grand bonheur et une heureuse fortune? Les passions, les affections et les puissances de mon âme, qui excitaient en moi des goûts imparfaits et des sentiments indignes de Dieu, se sont apaisés en achevant de s'anéantir. J'ai quitté alors des procédés et des moyens d'action vils et misérables, pour être élevé à des opérations et à des communications toutes divines. En d'autres termes, mon entendement, d'humain qu'il était, devenu tout divin, est comme sorti de lui-même et s'est uni à Dieu à la faveur de cette purification. Il n'a plus la portée faible et bornée d'autrefois, mais il juge des choses selon la divine sagesse à laquelle il s'est uni. Ma volonté est sortie d'elle-même pour être divinisée. Naguère sa force et son courage dans la voie de l'amour étaient limités. Maintenant elle n'opère plus humainement à l'égard de Dieu, qu'elle aime avec la force et la pureté de l'Esprit Saint. Il en est de même pour ma mémoire qui n'est plus peuplée que des images et des pensées de l'éternelle gloire. Enfin, grâce à cette nuit ou purification du vieil homme, toutes les forces et toutes les affections de mon âme sont renouvelées, et perdues dans les délices de la divinité. Chapitre 5. Explication du premier vers. Comment cette contemplation obscure, est non seulement, une nuit, mais encore, une peine et un tourment pour l'âme, pendant une nuit obscure. Cette nuit obscure est une influence de Dieu sur l'âme, qui la purifie de ses ignorances et de ses imperfections habituelles, tant naturelles que spirituelles. Les contemplatifs lui donnent le nom de contemplation infuse, ou de théologie mystique. Là, Dieu se plaît à instruire l'âme dans le secret, et à lui enseigner la perfection de l'amour. De son côté, l'âme demeure passive, se bornant à attendre amoureusement le Seigneur, à l'écouter et à recevoir ses lumières, sans chercher à comprendre comment se produit cette contemplation infuse, car c'est le propre de la sagesse tout aimable de Dieu, d'opérer des effets particuliers dans l'âme, de la purifier et de l'éclairer pour la disposer à cette union si délectable, la même sagesse qui purifie les bienheureux dans la gloire, en les illuminant, purifie également les âmes en ce monde, en les éclairant avec un amour plein de tendresse. Mais on peut se demander ici, pourquoi l'âme appelle-t-elle nuit obscure la lumière divine qui, nous l'avons dit, l'éclaire sur ses ignorances et l'en purifie? Nous répondrons à cela, qu'en vertu de deux raisons la divine sagesse est à l'âme, non seulement une nuit ténébreuse, mais encore un sujet de peine et de tourment. La première, c'est l'excellence même de cette sagesse, qui dépasse tellement la capacité de l'âme qu'elle la plonge ainsi dans de profondes ténèbres. La seconde, c'est la bassesse et l'impureté de l'âme, qui rendent cette lumière pénible, douloureuse et obscure. La première raison se prouve facilement en admettant cette même maxime de philosophie, que plus les choses divines sont en elles-mêmes claires et distinctes, plus elles sont obscures et cachées à l'âme. Il en est de même pour la lumière naturelle, son éclat ébloui et aveugle l'œil du hibou, plus on fixe le soleil, plus ses splendeurs fatiguent le regard et l'enveloppe de ténèbres. L'usage de la vue devient impossible, parce que sa faiblesse est écrasée par l'excès de lumière. Lorsque la céleste lumière de la contemplation envahit une âme encore impuissante à la supporter, elle la jette dans les ténèbres spirituelles, car la clarté de l'une surpasse les forces intellectives de l'autre, et paralyse son mode naturel de comprendre. C'est pourquoi Saint Denis et les autres théologiens mystiques appellent cette contemplation infuse un rayon de ténèbres, ainsi nommé par rapport à l'âme qui n'est pas encore purifiée et éclairée. David dit à ce sujet, « Une nuée est autour de Dieu, et l'obscurité l'environne. » Psaume 96, 2. Ce n'est pas qu'il en soit ainsi en réalité, mais seulement eu égard à notre faible entendement, qui est ébloui et aveuglé dans cette immense splendeur, et ne peut s'élever à une hauteur si sublime. Les nuées se sont fendues par l'éclat de sa présence, Ibi, 18, 13, ajoute le roi prophète. C'est ce qui a lieu pour notre entendement par rapport à accent circonflexe Dieu. Lorsque le souverain maître envoie sur l'âme qui n'est pas encore transformée, les splendides rayons de sa plus secrète sagesse, il jette son intelligence dans d'épaisses ténèbres, sans doute. La contemplation obscure est pénible dans les commencements, parce que d'un côté son excellence est infinie, et que de l'autre l'âme qui la reçoit est soumise à d'innombrables misères. Puisqu'elle n'est pas encore sortie du creuset de la purification, deux choses contraires ne peuvent subsister ensemble dans le même sujet. Or, l'âme étant elle-même ce sujet où deux choses opposées se livrent un mutuel combat. Il en résulte la lutte soulevée entre le travail de la contemplation et les imperfections de l'âme qui est à purifier. Cela se comprend par une simple induction. Il est d'abord manifeste que cette sagesse de la contemplation, qui cherche à pénétrer l'âme, a des lumières, des clartés si vives et si pures, que l'âme où règne l'obscurité et l'impureté, éprouve une peine réelle. De même que des yeux malades frappés soudain par une lumière éclatante, en ressentent une vive douleur, dans son état d'imperfection, l'âme endure une souffrance analogue, et elle la ressent d'autant plus vivement que la lumière divine la pénètre davantage, à la lueur de cette lumière si pure, qui l'envahit pour en chasser les impuretés, l'âme se voit toute misérable et toute souillée. Il lui semble que Dieu s'élève contre elle et qu'elle s'élève contre lui, c'est là un sentiment on ne peut plus pénible, se croire rejeté de Dieu. C'est une d'autres tribulations dont Job se plaignait le plus, lorsque, soumis par Dieu à une semblable épreuve, il s'écriait, « Pourquoi m'avez-vous mis en hostilité avec vous, et m'avez-vous rendu à charge à moi-même ?» Job 7. 20. Cette divine et obscure clarté révèle manifestement à l'âme toute son impureté, lui fait comprendre, grâce aux rayons lumineux qui l'éclairent, qu'elle est indigne du regard de Dieu et des créatures. Ce qui augmente encore son tourment, c'est la crainte de ne jamais trouver grâce devant le Seigneur, et de n'avoir plus aucun bien à espérer. Tout son esprit est plongé dans la connaissance approfondie de ses misères et de ses maux. Elle touche du doigt et reconnaît que de son propre fond elle ne saurait attendre autre chose. Tel est le sens dans lequel on peut appliquer ce passage du royal prophète. Vous avez puni l'homme à cause de son iniquité, et vous avez rendu son âme sèche comme l'araignée qui s'épuise à faire sa toile. Psaume 38, 12. En second lieu, la source des souffrances de l'âme vient de son infirmité naturelle et spirituelle. La divine contemplation qui agit sur elle avec vigueur, a dessein de la fortifier tout en la domptant, fait éprouver à sa faiblesse une peine si intime, que sa nature semble défaillir, spécialement quand cette action s'exerce avec plus d'intensité. L'essence et l'esprit sont alors comme accablés par un poids immense et invisible. Ils endurent une agonie si cruelle que s'il avait à choisir, ils préféreraient la mort et l'accueilleraient comme un soulagement. Le saint homme Job en avait fait l'expérience lorsqu'il disait « Je ne voudrais pas qu'il combattît contre moi de toute sa force, de peur d'être accablé par le poids de sa grandeur. » Job 23. 6. Succombant sous cette oppression, l'âme, loin de s'imaginer qu'elle est l'objet des faveurs célestes, croit, et avec raison, que ses appuis d'autrefois ont eux-mêmes disparu et lui ont été enlevés avec tout le reste. Personne, lui semble-t-il, ne sait compatir à son triste sort. Aussi peut-elle s'écrier avec le plus affligé des hommes, « Ayez pitié de moi !» Vous au moins qui êtes mes amis, ayez pitié de moi, parce que la main du Seigneur m'a frappé, Ibidem, 19, 21. Chose vraiment merveilleuse et tout à la fois digne de compassion, telles sont la faiblesse et l'impureté de l'âme, que la main de Dieu, si douce et si légère par elle-même, lui paraît rude et pesante. Cependant sa majesté adorable n'a point appesanti sa main, elle n'a fait que la poser, et encore très miséricordieusement, puisque c'est dans le but de la combler de faveur et non pas de la châtier.